Incredibile! Votre période où il allume une grosse cigare, start to smoke, continuez nos variétés de rythmus. Der Alphorn devient un big pipe in quella poussière à fumer. Der Rauch, so out of the bell. Ensuite commence à soulever de Alphorn, Zenkrek, quand la bicotte frique est une Red light illumina di stürze qui se transforme en tchoudno ptizzo qui guarda das publicum. Cet oiseau erzählt strange stories avec des tranchants. A ver quand this bird muore, la lumière contre ses poyavi. Alors à qui seis, exact, on reste, il dit.